La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. C'est la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean avec notre ami Junior Junot. Une présentation évidemment de Saint-Félicien Chevrolet. Salut Junior! Salut Danny. Junior, en fin de semaine, c'était le tournoi bénéfice. Comment ça a été? Ah, super bel été. Très bien été. Une belle journée. Au-dessus d'une centaine de golfeurs. C'est sûr qu'on se limitait là, de fait que par le fait que la COVID nous limitait pour le souper là, avec l'installation là, de notre salle. Là, on ne peut pas accueillir non plus avec les mesures qu'il faut respecter. Là, ça nous limite là. Je dirais à peu près 110 personnes. Oui, plus les employés. Plus fait que, ben c'est ça, là. Fait que ça fait en sorte qu'il a fallu se limiter, mais une belle réussite, un beau succès, puis on est bien satisfait. Là. OK, OK. Et évidemment, c'était M. Jacques Tanguay qui était le président là, puis il n'a pas été capable de, malheureusement, il y a eu des contretemps, donc c'était un gros nom que vous aviez attiré, malheureusement. Championnat du club a-t-il eu lieu? Oui, le championnat du club a eu lieu il y a de cela deux semaines, je crois, dans la fin de semaine, ouais. 15 et 16 août, c'est en plein ça. C'est conjointement pour une deuxième année avec le club de golf de Delbeau. OK. Qu'on avait une journée à Saint-Prime et une journée à Delbeau. OK. Ça se terminait, dans le fond, à Saint-Prime cette année. Ouais. Et puis c'est ça, là. Ça s'est joué dans ces deux fins de semaine, dans ces deux journées-là. OK. Maintenant, il se passe quoi là? On s'en va vers l'automne. Est-ce que la rentrée scolaire, est-ce que c'est quand même est-ce qu'il y a quand même du monde pas mal à Saint-Sylvain? Oui, ben oui, il nous reste encore beaucoup de bon golf, comme on dit, le mois de septembre, ouais. Là, c'est toujours une question de température, là, faut pas se le cacher, là, des fois, là, tant comme aujourd'hui, là. Quand c'est pas chaud, là, c'est moins évident, mais au golf, bien habillé, ça joue très bien aussi. Mais le mois de septembre là, va être un autre gros mois pour nous autres. Cette année, j'ai hâte de voir un peu là, la réaction, mais l'achalandage versus le fait que les vacances vont-elles se prolonger pour certains, des gens qui normalement allaient à l'extérieur vont-ils voyager à l'intérieur du soit de la région du Québec. On a aussi Saint-Tite, là, faut pas se le cacher, là, le fait que le festival de Saint-Tite n'a pas lieu cette année, bon, mais ça a l'air de rien, mais ça drainait beaucoup de monde vers le secteur de la Mauricie. Fait que tout ça mis en place là, fait en sorte que ça va être à voir là, au courant du prochain mois. Là. OK. Les dernières promotions encore? Ben, les promotions pour le moment n'ont pas de promotion. Les mois de septembre, là, dans les prochaines semaines, là, ben, on va retrouver la tarification de fin de saison, là, si on pourrait dire. Fait que. Mais non, pour le moment, là, on n'a pas de promotion là, autre que celle-là qu'on a en vigueur. Là. OK. Bon, ben Junior, ça fait le tour pour cette semaine. On rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet.